La vengeance du Père Sang, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Pascal, Pascal, murmura l'inspecteur Pinson en retournant entre ses doigts la carte qu'on venait de lui faire parvenir. Connais pas, enfin, fais toujours entrer. Le nouvel arrivant était un homme âgé de 45 à 50 ans, et que sa longue redingote noire et sa cravate blanche eussent aussi bien fait prendre pour quelques médecins de campagne visitant ses malades que pour un universitaire allant faire son cours au lycée. Sans plus de préambule, commença-t-il, je vais vous dire qui je suis. Pascal ne vous dit rien, probablement, monsieur Pinson. Mais si vous voulez bien vous souvenir de certains de vos exploits policiers, vous vous rappellerez avoir, il y a quelque temps, sauvé la vie au fils de l'empereur d'Allemagne, à Neuilly, et avoir été, de ce chef, en rapport avec deux jeunes Allemands, messieurs Müller et von Eichstoll, qui était pensionnaire à l'institution Pascal. Oui, en effet. Je suis M. Pascal et je dirige cet établissement. La façon dont vous avez si heureusement sauvé la vie au prince Adalbert et votre réputation de policier fort habile m'ont fait venir vous trouver aujourd'hui. Parlez, monsieur. Voici. Le pensionnat que je dirige à Neuilly, rue du Château, est un des plus sélects et l'on n'y reçoit que des fils de famille fort riches, principalement des étrangers qui viennent en France pour terminer leurs études en apprenant notre langage. C'est vous dire aussi, monsieur Pinson, que les maîtres que j'engage sont des meilleurs. Les appointements des professeurs ne sont pas très élevés d'ordinaire, mais, comme je tiens à avoir des personnes absolument de confiance, les conditions que je fais à mes maîtres sont tout à fait au-dessus de ce qu'ils pourraient toucher ailleurs. J'ai horreur, voyez-vous, de changer de professeur. Et le prix très rémunérateur que les parents de mes élèves payent pour leur pension me permet de donner de fort beaux appointements aux personnes que j'emploie. Mes professeurs sont au nombre de 3. 2 d'entre eux vivent en dehors de l'institution et le troisième, M. Boutron, est à demeure faisant fonction de maître d'études. Boutron est un garçon de 30 ans, excessivement calé, si vous voulez bien me passer cette expression d'argot de collège, et dont je ne voudrais me séparer à aucun prix. Malheureusement, depuis quelques mois, il souffre d'absence totale de mémoire. Son cerveau semble, par moments, s'amnésier complètement, au point que lorsqu'il fait son cours, il lui arrive de s'arrêter net au milieu d'une phrase sans savoir comment la finir. Le fait m'avait été, discrètement, je dois le dire, signalé par plusieurs élèves qui, très sincèrement, plaignaient Boutron, auquel ils étaient très attachés. Je crus un surmenage possible car je savais que Boutron préparait sa licence. Aussi le fis-je appeler, et avec tous les ménagements possibles, lui donnai-je à entendre qu'il avait besoin de repos. Je l'invitai à aller voir ses parents qui habitent dans le Midi et à rester chez eux pendant un mois. Je payai même son voyage et lui donnai libéralement son mois d'appointement comme s'il eût fait son service chez moi. J'ajoutai en outre qu'il ne serait pas remplacé et qu'à son retour, il retrouverait sa place vacante. Enfin, Boutron partit. De Narbonne, où il se trouvait auprès des siens, il m'écrivit plusieurs fois, me tenant au courant de sa santé. Il se remettait petit à petit. Les manques de mémoire disparaissaient graduellement. Bref, le mois de congé expiré, il revenait chez moi, où il reprenait son service le premier du mois dernier, parfaitement remis et rétabli. Il y a 5 semaines de cela, jugé de ma surprise, le malheureux se retrouve pris du même mal qui m'a fait l'envoyer chez ses parents. La mémoire vient soudain lui manquer, et cette fois encore, ce sont quelques-uns de ses élèves qui m'en ont avisé. Je ne voudrais pas me séparer d'un aide aussi dévoué, mais d'autre part, ces symptômes m'effraient, me font craindre peut-être un commencement de paralysie générale. Pinson, qui avait laissé parler Pascal, crut devoir l'interroger à ce moment. « Mais, monsieur, je ne sais pourquoi vous êtes venu me trouver. Il me semble qu'un médecin était tout indiqué. Tout ce que vous venez de me dire relève bien plutôt de la médecine que de l'investigation policière, croyez-moi. » « Je le pensais aussi, monsieur Pinson. Mais certains faits que j'ai appris, certains détails me font craindre une machination criminelle dont Boutron serait la victime. » « Une machination criminelle ? Monsieur Boutron aurait-il donc des ennemis ? Oui et non. Ses élèves l'aiment beaucoup. La preuve en est qu'ils sont spontanément venus me prévenir de son mal qu'ils déploraient. Mais il est possible aussi, Notez que ce n'est là qu'une supposition, que Boutron ait pu, dans l'exercice de ses fonctions, froisser la susceptibilité de l'un de mes élèves. Or, je crois vous l'avoir dit, ce sont presque tous des étrangers. Il pourrait s'en trouver parmi eux, qui, pour tirer vengeance d'une bêtise, auraient eu recours à des procédés dont ils ont pu être témoins dans leur pays. Que voulez-vous dire? Avez-vous des soupçons? Je ne saurais le dire exactement, mais pour moi, Boutron est la victime d'une machination ourdie contre lui. Par qui, je n'en sais rien, et c'est pour ce motif que je suis venu vous trouver. Voulez-vous vous charger de trouver le fin mot de cette affaire, sans toutefois ébruiter la chose, car cela pourrait me causer un grand dommage? Monsieur Pascal, répliqua l'inspecteur de la Sûreté, vous saurez que nous n'ébruitons jamais rien, et que les informations publiées par les journaux sont celles que nous voulons bien donner aux reporters. Si je m'occupe de l'affaire dont vous venez de m'entretenir, je vous promets de garder le secret le plus absolu, à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative criminelle, et dans ce cas, je me verrai forcé de sévir. Il fut convenu entre le directeur de l'institution et le policier que ce dernier entrerait en fonction le lendemain matin en qualité de maître suppléant. M. Pascal annoncerait d'ailleurs son arrivée aussitôt rentré à Neuilly. Il était entendu en outre que le nouveau maître coucherait au pensionnat dans une chambre attenante à celle qu'occupaient les élèves. Un corridor les reliait toutes, et la chambre de Boutron se trouvait exactement située en face de celle de Pinson. Le policier commença son service dès le matin, mis au courant par Boutron, qui était loin de se douter de sa qualité. Sa présence attira naturellement l'attention des élèves, qui aiment toujours à critiquer un nouveau maître. Mais il sut se mêler à leur jeu pendant les récréations et se gagner ainsi bien vite leur amitié. Ainsi que le lui avait dit M. Pascal, les jeunes gens confiés à sa garde étaient pour la plupart de nationalité étrangère. Ils se montraient tous charmants à son égard, mais il en était un, entre autres, que Pinson n'avait pu s'empêcher de remarquer. C'était un persan qui avait pour nom Abdul Hafiz. Son père tenait un haut emploi à Téhéran et lui allouait tous les mois de fortes sommes dont il disposait à sa guise comme argent de poche. On pouvait même dire que c'était le plus riche des élèves de l'institution Pascal. Le policier avait noté que ce jeune homme ne prenait jamais part aux jeux de ses camarades, préférant se promener solitairement à l'ombre des grands arbres de la cour. « Il est vrai, pensa l'inspecteur, que ces musulmans sont de grands rêveurs, mais je ne comprends pas pourquoi ce jeune homme ne s'associe pas aux jeux de ses compagnons. » Il eut beau chercher à l'amuser, à l'intéresser, Abdul Hafiz demeurait taciturne. Une ou deux fois, Pinson remarqua que le jeune persan regardait Boutron d'un œil haineux. « Voilà qui est bien singulier, » se dit-il. « Qu'est-ce que Boutron a bien pu lui faire ?» Adroitement, il voulut interroger celui-ci. « Il n'a pas l'air de vous aimer beaucoup, Abdul Hafiz. Mais si, je vous assure, c'est un bon élève, un peu ombrageux peut-être, mais c'est tout. Et il y a longtemps qu'il est ici. Mais un an ou 15 mois, je ne sais plus au juste. Vous n'avez jamais eu à vous plaindre de lui ? Non. C'est-à-dire que dans les premiers temps qu'il était ici, il se croyait être encore auprès de son père à Téhéran. Il se figurait que tout lui était permis, et j'ai dû plus d'une fois le punir. Je crois même qu'il a été au séquestre pendant 48 heures. C'est vous qui l'aviez puni ? Mais oui. Et il m'en a voulu pendant bien longtemps. Enfin, tout cela est passé maintenant, et je ne crois pas qu'Abdul Hafiz m'en garde rancune aujourd'hui. En êtes-vous bien sûr ? Boutron, appelé par M. Pascal, ne put répondre, et Pinson s'en fut retrouver ses élèves. Le soir venu, le policier, après avoir attendu que les jeunes gens fussent couchés, regagna la chambre qui lui avait été désignée et se mit au lit. Quoi qu'il fît, ses pensées ne pouvaient se détacher d'Abdul Hafiz, qui l'associait instinctivement à la maladie de Boutron. Pinson avait beau se tourner et se retourner sur sa couche, il ne parvenait pas à fermer l'œil. Les chambres des maîtres n'avaient pas de porte et n'étaient closes que par une portière. Il était environ 10 heures et tout le monde était couché, quand le policier, sentant un courant d'air, se leva pour bien refermer sa portière. Sans bruit, il arrivait à l'encadrement de la porte quand il entendit un bruit furtif de pas. Qui donc pouvait passer ainsi dans le corridor à cette heure tardive, Monsieur Pascal ? Peut-être le directeur voulait-il s'assurer que tous les élèves étaient couchés. Mais non, C'était quelqu'un qui glissait sur le plancher en évitant de faire le moindre bruit. Aucune lumière. Et M. Pascal se serait sans doute muni d'une lanterne, ou d'une bougie tout au moins. Pinson, relevant un coin de sa portière, surveilla le manège de celui qui s'avançait ainsi dans l'ombre, et la faveur d'un rayon de lune qui vint éclairer ces deux scènes nocturnes, il reconnut Abdul Hafiz. Le persan se glissa jusqu'à la chambre de Boutron, attendit quelques instants, cherchant à savoir par ses ronflements si l'autre était bien endormi. Puis, certain sur ce point, il souleva la portière, pénétra dans la chambre et en ressortit quelques instants après. Il avait encore en main un petit morceau de papier qu'il roula en roulette et jeta dans le corridor. Au bout de quelques minutes, Abdul Hafiz avait regagné sa chambre et s'était recouché. Toute cette scène avait vivement intrigué Pinson, qui attendit que l'élève se fût éloigné pour pénétrer à son tour dans la chambre de son collègue Boutron. Sur la table de nuit se trouvait un verre d'eau dont Pinson s'empara. Grâce à une allumette qu'il venait de faire craquer, il lui fut possible de remarquer une poudre blanche qui était restée au fond du verre et n'avait pu complètement se dissoudre. Boutron ne s'étant pas réveillé, Pinson regagna sa chambre, ne sachant véritablement que penser. Qu'est-ce que Abdul Hafiz était venu faire dans la chambre du maître d'études? Et cette poudre dans le verre, d'où promenait-elle? Boutron prenait-il donc des médicaments? Ou bien fallait-il croire que le jeune persan administrait à son professeur une drogue destinée à lui faire du mal? C'était là autant de questions que Pinson aurait su résoudre. Il avait auprès de lui une petite fiole dans laquelle il vida le contenu du verre, et s'en fut ensuite replacé celui-ci, qu'il avait eu soin de remplir d'eau pure, sur la table de nuit de Boutron. Pinson, très ému, attendit au matin, et dans le jardin de l'institution, crut bon d'avoir quelques mots de conversation avec son collègue. « Dites-moi, » fit-il en s'adressant à Boutron, tandis qu'il marchait de long en large, « y a-t-il longtemps que vous avez été pris de ces malaises dont a parlé M. Pascal ?»« Mais non, quelques mois à peine, et je n'y comprends rien du tout. J'étais fort, j'étais solide, et aujourd'hui je ne suis plus que l'ombre de moi-même. M. Pascal a bien voulu m'envoyer au pays me reposer pendant un mois chez mes parents. Je m'y étais remis, entièrement. Et depuis que je suis de retour ici, je suis repris du même mal. C'est effrayant, quand je viens à y songer. Mais ces manques de mémoire, ces amnésies subites, me font réellement craindre qu'un de ces jours, la raison viendra m'échapper. Je songe sérieusement à prier M. Pascal de me remplacer. N'en faites rien, mon cher M. Boutron. Demeurez à votre poste, mais suivez mon conseil. Ne buvez pas la nuit le verre d'eau qui se trouve placé sur votre table de nuit. Mon verre d'eau, qui vous l'a dit? Écoutez, voulez-vous me parler franchement? Mais vous avez tous les soirs un verre d'eau à côté de vous. Est-ce vrai? Oui. Et versez-vous une drogue quelconque sous forme de poudre? Jamais. C'est un verre d'eau pure que j'ai toujours à ma portée. Car depuis que je ressens les malaises que vous savez, j'éprouve une soif que je ne peux arriver à étancher. C'est comme un feu continuel qui semble me brûler l'intérieur. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, monsieur Boutron, croyez-moi, ne buvez jamais votre verre d'eau la nuit. Boutron allait interroger le policier et lui demander quelques explications, mais leur attention fut soudain distraite par une querelle qui venait d'éclater entre deux élèves. Un jeune russe revenait de la loge du concierge de l'institution, porteur d'un petit paquet adressé à Abdul Hafiz, grand amateur de timbre-poste. Il examinait ce qui se trouvait sur ce paquet quand le père s'en vint à sa rencontre. « C'est pour moi ce paquet » fit-il en le lui arrachant presque des mains. « Mais oui, mon vieux chat. Qui te permet de le regarder, de chercher à savoir ce qu'il y a dedans ?»« Je ne cherche rien à savoir. Je regardais seulement les timbres qui m'intéressent, tu le sais bien. » Abdul Hafiz se radoucit soudain. Il avait eu des éclairs de colère dans ses yeux qui s'éteignirent subitement. Sa voix se fit douce et son regard devint presque félin. Cet incident s'était produit au moment où Pinson conversait avec Boutron. Curieux tous deux, ils étaient rapprochés en entendant des éclats de voix, et tout d'un coup, le policier, s'approchant du jeune persan, lui arracha son paquet des mains. « Je ne souffrirai pas, dit-il, de pareilles disputes, et puisqu'il s'agit de ce petit paquet, je le confisque. Vous le demanderez à M. Pascal, à qui je vais le remettre immédiatement. » La colère d'Abdul Hafiz ne connut plus de bornes. Il voulut sauter à la gorge de Pinson, mais celui-ci, d'un vigoureux coup de poing, l'envoya rouler à terre. Quelques autres jeunes gens, prenant aussi fait et cause pour leur nouveau maître, s'efforçaient de maintenir le forcené qui écumait de rage. Vincent croyait être sur une bonne piste. Il s'enfuit dans une salle d'études, défit le paquet qui ne contenait qu'une poudre blanche. Qu'est-ce que cela ? Mieux valait s'en assurer sur le champ et Pinson, mettant ce petit paquet en poche, alla trouver un pharmacien des environs et le pria d'analyser cette poudre blanche qui ne lui disait rien qui vaille. L'examen dura quelque temps, puis le pharmacien revint et lui dit « Je ne sais où vous êtes procuré cette poudre, monsieur, mais elle est composée d'un poison qui, bien que n'étant pas mortel, peut agir lentement et affaiblir surtout les facultés mentales. Pourrait-il causer un cas d'amnésie ?»« Mais enfin, monsieur, s'écria le pharmacien, je ne sais pas pourquoi vous me demandez cela. » Pinson dut dire qui il était et qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, oui, certainement. La poudre que vous venez de soumettre à mon examen peut annihiler momentanément les facultés mentales de la personne qui la prendrait dissoute dans l'eau. C'est un poison lent, qu'on rencontre rarement en Europe, mais bien connu de tous les Orientaux. » Pinson revint de suite au pensionnat et s'enfuit immédiatement trouver le directeur. « Monsieur Pascal, lui dit-il, voilà notre problème résolu. Si vous voulez sauver la vie à ce pauvre monsieur Boutron, vous allez me faire le plaisir de renvoyer de votre institution le jeune Abdulhafiz. » Abdulhafiz, l'un de mes meilleurs élèves, un de mes pensionnaires qui paye le plus. Voilà une chose qui m'est égale. Voulez-vous que je l'arrête pour tentative d'assassinat ? Abdulhafiz ? Lui-même. Pour se venger d'avoir été puni par votre maître, M. Boutron, il s'est, depuis des mois, procuré un poison lent qui, sans tuer, produit une amnésie, la perte des facultés mentales, et c'est ainsi qu'il s'est vengé de son professeur. « Mais c'est un grand coupable !» s'écria M. Pascal qui n'en revenait pas. « Oui, un grand coupable que l'on devrait livrer à la justice, car bien qu'il ait à peine 20 ans, vous pouvez être sûr qu'il ne s'arrêtera pas en si beau chemin. » Le directeur de l'institution donna un coup de sonnette. Le portier parut. « Voulez-vous me faire venir l'élève Abdulhafiz ? Il vient de sortir, M. Pascal, et qui le lui a permis ? Il m'a dit que vous l'aviez autorisé. » Jamais le jeune persan ne revint à l'institution Pascal. Il disparut à tout jamais et retourna probablement à Téhéran. Ainsi s'achève La vengeance du persan, une enquête de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.